Œuvre complète de saint Augustin, tome 12e, édition Guérin et compagnie, 1868. Extrait de Ce qui est bien dans le mariage. Chapitre 24. Trois sortes d'avantages dans le mariage des chrétiens. 32. Parmi toutes les nations et aux yeux de tous les hommes, le désir d'une postérité et la fidélité conjugale impriment au mariage un caractère de bonté réelle. Chez les chrétiens, il faut y ajouter la sainteté du sacrement qui défend à une épouse répudiée de convoler à de nouvelles noces, pendant la vie de son premier mari, lors même qu'elle n'aspirait à un nouveau mariage que dans le but d'avoir des enfants. Ce but, en effet, est le seul que l'on doive se proposer dans le mariage. Supposer qu'il ne puisse être obtenu, le lien nuptial n'est pas brisé pour ce seul motif, il ne peut l'être que par la mort de l'un des deux époux. On ordonne un clerc pour diriger une réunion de fidèles, supposer que cette réunion n'ait pas lieu, le sacrement de l'ordre reste validement conféré. Bien plus, lors même qu'en punition de quelque faute ce clerc mériterait d'être interdit des fonctions de son ordre, il conserve toujours le caractère du sacrement et il le portera au jugement dernier. Que la génération soit le but du mariage, c'est ce qui résulte de ces paroles de l'apôtre, « Je veux que les jeunes veuves se marient », puis supposant qu'on lui demande pourquoi, il continue, « afin de créer des enfants et de devenir mère de famille ». 1 Timothée 5, 14. Quant à la fidélité conjugale, il s'exprime ainsi, « L'épouse n'a pas la puissance sur son propre corps, cette puissance appartient au mari, de même l'époux n'a pas la puissance sur son propre corps, cette puissance appartient à la femme ». Parlant enfin de la sainteté du sacrement, il s'écrit, « Que l'épouse ne se sépare point de son mari, si elle s'en sépare, qu'elle s'interdise tout nouveau mariage, ou qu'elle se réconcilie avec son époux, de même, que le mari ne renvoie point sa femme. Tels sont donc les biens qui impriment au mariage tout autant de caractère de bonté, les enfants, la fidélité, le sacrement. Toutefois, depuis Jésus-Christ, il est plus parfait de renoncer à cette postérité charnelle, de conserver la virginité perpétuelle et de n'avoir d'autre époux que Jésus-Christ, pourvu néanmoins que ce soit dans le dessein de fixer toutes ses pensées en Dieu, de ne chercher à plaire qu'à lui seul. 1 Corinthiens 7, 4, 10, 11, 32, en d'autres termes, de chercher constamment à ne pratiquer pas moins l'obéissance que la continence. Cette obéissance a été la vertu radicale, et comme la vertu mère des saints patriarches. Quant à la continence, elle n'était en eux que comme habitude de l'âme. Or, je dis que cette obéissance qui les rendait justes et saints, qui les disposait à toutes sortes de bonnes œuvres, les eût aussi rendus et conservés vierges, s'il leur avait été prescrit de s'interdire tout commerce avec une femme. En effet, admettez un ordre ou un conseil qui les appelle à la virginité, ne leur était-il pas plus facile d'y répondre que de se montrer prêt, par obéissance, à immoler le seul enfant qui avait été le but de leur mariage? Chapitre 25. Les patriarches vengés des calomnies manichéennes. 33. Viennent donc les hérétiques, manichéens ou autres, déversant sur les patriarches de l'Ancien Testament d'injustes calomnies au sujet de leurs femmes et les accusant d'incontinence. Je crois, dans ce qui précède, leur avoir suffisamment répondu, mais sont-ils capables de comprendre qu'ils n'ont péché, ni contre la nature, puisque ce n'était point par libertinage mais pour avoir des enfants qu'ils usaient de leurs femmes, ni contre les usages reçus, puisqu'ils ne faisaient que suivre la coutume de leur temps, ni contre aucun précepte, car alors aucune loi ne leur défendait d'agir comme ils l'ont fait. Quant à ceux qui ont illicitement usé des femmes, ou bien l'Écriture a répandu sur eux un blâme solennel, ou bien en nous proposant leur faute à lire, l'Esprit Saint veut que nous les condamnions, que nous évitions leur désordre, au lieu de les approuver ou de les imiter. Chapitre 26. Respect dû au saint patriarche. Joindre l'humilité à la virginité. 34. De toutes nos forces donc nous invitons les époux chrétiens à ne pas juger les saints patriarches selon leur propre faiblesse, ne se jugeant que d'après eux-mêmes, comme s'exprime l'apôtre. 2 Corinthiens 10, 12. Comprenez plutôt quelle force d'âme il leur fallait déployer pour ne céder en rien à leur passion, pour résister au mouvement de la chair, pour se conserver dans les justes limites de la génération, autant que l'exigeait l'ordre de la nature, les mœurs de leur époque et les lois divines. D'où peuvent donc venir ces soupçons désavantageux, si ce n'est, ou bien de l'incontinence qui rend le mariage nécessaire, ou bien de l'usage immodéré du mariage lui-même? Quant à ceux qui gardent la continence, quant aux maris qui, après la mort de leur femme, aux femmes qui, après la mort de leur mari, ou enfin quant aux époux qui, l'un et l'autre d'un consentement réciproque, ont voué la continence, ils n'ignorent pas sans doute qu'ils ont droit à une plus belle récompense que celle qu'ils auraient obtenue par la chasteté conjugale. Cependant, loin de mépriser intérieurement, qu'ils regardent, comme bien supérieur à leur propre continence, le mariage de ces patriarches, dont l'union était toute prophétique, qui ne cherchaient dans cette union que la postérité, et qui dans cette postérité même ne voyaient qu'un moyen de faciliter et de hâter la venue du Sauveur. 35. Nous rappelons également aux vierges des deux sexes qui voient Dieu leur intégrité, de chercher, pour le trésor qu'ils conservent sur la terre, une protection efficace dans une humilité d'autant plus profonde, que ce qu'ils ont voué est plus élevé et plus divin. N'est-il pas écrit, « Plus vous êtes grand, plus vous devez en tout vous humilier » Ecclésiastique 3:20. C'est à nous d'exalter leur glorieux privilège, c'est à eux de s'appuyer sur une humilité profonde. Nous avons parlé de certaines grandes figures patriarcales, auxquelles les vierges même ne peuvent se préférer parce que, si ces vierges étaient mariées, elles n'auraient point porté aussi haut la vertu. Cependant, lors même qu'à la suite d'un premier mariage les époux de notre temps auraient voué la continence, les vierges n'hésitent pas un seul instant à regarder leur état comme l'emportant sur le leur. Non pas autant que Suzanne l'emporte sur Anne, mais autant que Marie l'emporte sur ces dernières. Je ne parle ici que de la sainte intégrité de la chair, car de qui sont ignorés les autres mérites de Marie? Que, leur vie réponde donc à leur haute vocation, et ils seront assurés de la brillante récompense qui les attend, qu'ils n'oublient pas que si, entre eux et tous les fidèles, ces membres élus et bien-aimés du corps de Jésus-Christ qui viendront en grand nombre de l'Orient et de l'Occident, il doit y avoir une différence de gloire, proportionnée au mérite, néanmoins ils prendront également place dans le royaume de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob, Matthieu 8, 11, lesquels sont devenus époux pères non pour suivre les penchants du siècle, mais en vue du Christ. Traduction de Monsieur l'abbé Burlereau. Markendanarchive.org, 2021, d'après bibliothèque monastique.ch et books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial.